Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous plonge au cœur de l'histoire de la Bretagne. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nos auditeurs bretons sont à l'honneur aujourd'hui. Je suis très heureux de pouvoir les saluer sur l'antenne d'Europe 1. Avant d'évoquer cette région, que dis-je, ce pays, avec son grand ambassadeur Yann Kefelec, je vais vous raconter la fabuleuse histoire de la Duchesse Anne. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Sylvain sur le BCG. Eh oui, le vaccin Calmette Guérin. Alors le BCG n'existait pas du temps d'Anne de Bretagne. Hélas, pour bien des ancêtres bretons, nous allons parler de cette femme extraordinaire qui n'a pas hésité, peut-être un peu pour sauver son duché, à épouser successivement deux rois de France. Europe 1, au cœur de l'histoire. Ferrand. L'histoire, c'est bien connu, est toujours écrite par les vainqueurs. Et l'histoire d'Anne de Bretagne, écrite par les historiens français, raconte généralement comment une jeune princesse très civilisée n'a pas hésité à épouser successivement deux rois de France pour que son beau pays de Bretagne puisse être un jour annexé au royaume d'Élise. Voilà comment nous voyons les choses côté français. Évidemment, vu du côté breton, la belle épopée aurait plutôt tendance à virer allègre. Et je compte sur notre invité Yann Kefelec pour nous donner de l'affaire une image plus contrastée que de coutume. Avec Anne, en effet, c'en est fini de la fière indépendance des ducs de Bretagne. Avec elle va venir la fin du beau rêve d'un état breton et les armoricains qui, en 1485, avaient lancé la guerre folle contre la régente de France, en auront été pour leurs frais. Qui est-elle, cette Anne de Bretagne? Je vous la raconte en deux mots. D'abord, évidemment, et nous viendrons tout à l'heure à toute la symbolique des Hermines, nous viendrons à la féminité du personnage. Quand je dis féminité, c'est pas seulement Anne elle-même, mais toute la cour qu'elle a amenée avec elle en France et qui était composée de dames qui ont singulièrement poli les mœurs de nos rudes chevaliers francs. Qui était-elle, cette Anne? Elle est née le 25 janvier 1477, dans un lieu qu'on connaît de mieux en mieux, si je puis dire, puisque c'est le sublime château de Nantes qui a été si bien restauré depuis quelques années. Elle est la fille de François II et de Marguerite de Foix-Navarre, qui était sa deuxième épouse, dont il était d'ailleurs vraiment amoureux. François est non seulement un excellent époux, mais il est un bon père, un père très attentionné. Il va veiller de près à l'éducation de sa fille et va lui donner les meilleurs précepteurs. Elle est excellente en latin, en littérature bretonne et française, bien entendu, en histoire, en instruction religieuse. C'est, nous dit Yann Kefelec, une adolescente romantique, surdouée, qui parle grec, latin, breton, français. Son père, nous dit-il, l'a surnommée la petite Brette. C'était le surnom affectueux. Alors, on lui prévoit, comme toujours, vous imaginez bien, elle est l'héritière d'un grand duché, on lui prévoit des fiancés très tôt. On va d'abord la fiancer, ça c'est passionnant, mais ce serait l'objet évidemment d'une autre émission, on va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui. Mais elle a d'abord été la fiancée du fils d'Édouard IV d'Angleterre. Vous savez, ce petit prince qu'on appelait le prince de la Tour, ce prince Édouard V, qui est devenu le roi Édouard V pendant quelques heures à la mort de son père. Son père a probablement été empoisonné d'ailleurs. Et alors, il y a cette espèce, vous savez que le régent fait mettre le nouveau roi, ce petit prince, à la tour de Londres avec un compagnon de son âge. Enfin, il y aurait beaucoup, qui s'appelait Richard de Shrewsbury, il y aurait beaucoup à raconter là-dessus. On peut dire sans exagération que c'est le plus grand mystère de l'histoire d'Angleterre. Eh bien, figurez-vous que ce petit Édouard V, il a été d'abord le fiancé d'Anne de Bretagne. Et puis ensuite, c'est pas moins étonnant, elle a été fiancée au concurrent malheureux du père d'Édouard V, Édouard IV, c'est-à-dire Henri Tudor en l'occurrence, qui était venu s'installer, enfin qui était en exil, et qui a même été prisonnier à certaines périodes, mais qui en tout cas était exilé en Bretagne. Il est du reste, cet Henri Tudor, le dernier souverain à avoir parlé breton. Donc, on est dans une époque, et ça, il faut avoir vraiment ça à l'esprit. Je donnais hier après-midi une conférence sur l'Europe des Habsbourg, et on est dans le même sujet, si je puis dire. On est dans cette période où quelques grandes maisons sont en train de se livrer une guerre à mort pour le contrôle de l'Europe. Et au premier chef, au premier rang de ces maisons, bien entendu, la maison de France et la maison d'Autriche, plus exactement la maison de Habsbourg. Les Habsbourg vont jouer un rôle très important dans cette histoire. Leur but, en l'occurrence, ce serait en quelque sorte de prendre le royaume de France en tenaille, puisqu'ils disposent déjà de la Bourgogne. S'ils arrivaient à mettre un pied en Bretagne, alors ils auraient leur ennemi à merci. C'est une époque, on est 1486, c'est l'élection de Maximilien Ier au trône du Saint-Empire romain germanique, alors que son père, Frédéric III, est toujours en vie. Mais donc, vous voyez, on est dans une époque d'un bras de fer énorme entre ces deux maisons principalement. Louis XI vient à mourir en 1483. Sa fille, Anne de Beaujeu, la moins sotte femme qui fut en France, disait-il, va devenir la régente pendant la minorité de son petit frère, le roi Charles VIII. Et Anne de Beaujeu regarde elle aussi du côté de la Bretagne, évidemment, vous l'imaginez. Sauf que les Bretons vont lui donner du fil à retordre. En 1485, c'est la fameuse guerre folle dont je vous parlais tout à l'heure. On aura l'occasion d'en redire un mot. Une sorte de révolte des Bretons qui voudraient profiter de la régence pour sortir de la vassalité, pour échapper au joug français. Le duc de Bretagne qui aura mené toute cette affaire, le grand François II, le père d'Anne, meurt en 1488. Il a, disons-le, ruiné l'État par ses dépenses militaires. Et la petite se retrouve héritière de ce grand-duché. Elle a 10 ans et sur son lit de mort, son père lui a fait jurer de ne jamais consentir à l'assujettissement au royaume de France. Avant de mourir, il a également confié sa fille au maréchal de Rieux, qui a pour mission de la marier, bien entendu. Alors, dans les circonstances politiques que je viens de vous décrire, vous imaginez que c'est un mariage qui a immédiatement de grandes répercussions. Alors, on pourrait certes la marier à un grand seigneur local, à Jean de Rohan, par exemple, qui a 13 ans et qui est l'héritier d'une des plus puissantes familles de Bretagne, ou bien à Alain d'Albret. Alors là, lui est Albret, c'est le royaume de Navarre. Lui, il a 50 ans. Le maréchal de Rieux se dit qu'il a beau avoir 60 ans et être le tuteur de la jeune fille, après tout, il pourrait aussi peut-être faire un bon mari. Mais il y en a deux qui sont vraiment en lice. C'est Charles VIII, le jeune roi de France, qui donc accède tout juste à la majorité. Et puis surtout, celui qui donc, en 1486, est devenu l'empereur germanique, le grand héritier de la maison de Habsbourg, Maximilien Ier. Et c'est sur Maximilien que la jeune fille va jeter son dévolu. C'est lui qu'elle choisit et elle va épouser Maximilien d'Autriche par procuration, comme on faisait à l'époque dans un premier temps. Elle a 14 ans. Elle l'épouse le 19 décembre 1490. Lui est représenté par un proche, le comte Wolfgang de Pollin. Mariage assez étrange. Vous savez, à l'époque, les mariages par procuration, c'était assez folklore, si je puis dire. La jeune mariée dénudait la jambe gauche. Le jeune marié, enfin plus exactement son représentant, en l'occurrence, dénudait la jambe droite, et alors on mettait chacun une jambe dans le lit et il fallait que les pieds, que les orteils se touchent comme ça pendant quelques secondes, et puis on considérait que l'union était faite. C'était ça, un mariage par procuration. C'est exactement ce qui se passe avec Paulin. Ainsi donc, Anne est devenue reine des Romains, c'est-à-dire, excusez du peu, elle est impératrice du Saint-Empire romain germanique. La Bretagne devient une province autrichienne, mais vous imaginez bien que les Français vont sûrement pas laisser les choses en l'état et qu'ils vont sûrement réagir. Sur Europe 1, un extrait d'Anne de Bretagne, le sujet de votre récit, Franck. Eh oui, Anne de Bretagne a mis le jeune roi Charles VIII en colère. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'un peu avant la mort du père d'Anne de Bretagne, François II, un traité avait été passé à Sablé, qu'on appelle le fameux traité du Verger, qui disait, parce que François II savait très bien qu'un jour la question se poserait, et qui disait que l'héritière du duché, que la duchesse Anne, ne pourrait pas contracter d'alliance sans l'accord du roi de France. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de droit de regard de la cour de France, en l'occurrence de la régente Anne de Beaujeu, sur le mariage de la duchesse Anne. En l'occurrence, on est passé complètement dessus à pieds joints. Elle a épousé, je vous l'ai dit, par procuration l'empereur Maximilien, ce qui était un géant. On disait qu'il faisait 18 pieds de haut, l'équivalent de 2,40 m. Alors je vous rassure, c'est faux, on est dans la légende, mais ça donne une idée du personnage, qui était une sorte de d'ogre de l'Europe, comme ça, de géant, un personnage assez étonnant. Évidemment, à côté, Charles VIII avait l'air singulièrement chétif. Il était, vous savez, il était pas formidablement beau, c'est le moins qu'on puisse dire. Il avait un nez qui lui dévorait complètement le visage, Charles VIII. Il était un peu voûté, c'était pas très grand. Enfin, c'était pas un aussi beau parti du point de vue strictement physique. Du point de vue politique, en revanche, la question se pose. Et la question se pose notamment des liens qui deviennent de plus en plus difficiles à maintenir entre le très puissant vassal français, le très puissant seigneur français et son non moins puissant, en tout cas également puissant, vassal breton. C'est toute la question. La France va acquérir la ville de Nantes, qu'elle achète aux Albrets en l'occurrence. Et puis elle déclare tout simplement la guerre à la petite duchesse qui n'a pas respecté sa parole. Les armées françaises se dirigent vers Rennes, elles entrent en campagne. La duchesse se trouve à ce moment-là dans une situation qui est vraiment très compliquée. En juillet 1491, le roi de France possédait le duché de Bretagne, fort la ville de Rennes et la fille qui était dedans, nous dit un chroniqueur. Cette Bretagne est assiégée par des troupes alors 5-6 fois plus nombreuses, infiniment mieux armées et commandées. Anne de Bretagne n'a pas le choix, elle va devoir se rendre si elle ne veut pas que tout ça vire au bain de sang général. Charles VIII lui demande sa main. Vous avez déjà vu des demandes en mariage aussi gentilles avec le couteau sous la gorge et le pistolet sur la tempe, si je puis dire, avec un léger anachronisme. En tout cas, Charles VIII demande à la duchesse Anne une main qu'elle est bien forcée de lui donner. Elle l'accepte. En Autriche, c'est le scandale. Vit-on jamais en pays allemand, roi et empereur toléré telle honte, écrivait un chroniqueur autrichien. Le mardi 6 décembre 1491, ce sont les noces en France cette fois. Anne de Bretagne épouse Charles VIII, il faut l'imaginer, habillée d'une robe de drap d'or. Entre parenthèses, la robe de drap d'or en question, elle a été largement payée grâce à la dot autrichienne, grâce au florin qu'a envoyé Maximilien. Ça a été le bon rival dans l'affaire. Il faut imaginer, entre parenthèses, elle arrive avec une garde-robe à la cour de France qui est tout à fait extraordinaire. Toutes ces robes doublées de zibeline, ou en l'occurrence, peut-être plutôt d'Hermine. Enfin, elle va apporter, Anne de Bretagne, elle va apporter avec elle une certaine notion de raffinement, de luxe. Elle aime les étoffes précieuses, elle aime les joyaux, elle est toujours entourée de musiciens, de poètes. Il y a quelque chose de déjà très renaissant, si j'ose employer l'expression, chez cette dame lorsqu'elle fait découvrir à la cour de France des horizons qui jusqu'alors étaient pour beaucoup restés insoupçonnés. Elle attire tous les regards, elle a ce visage grave et noble que nous montrent les gravures, enfin plutôt les enluminures de l'époque. Elle n'a qu'un petit défaut physique, nous dit-on, c'est qu'elle a un pied plus court que l'autre. Mais enfin, ça ne se voit pas. En tout cas, Brantôme nous dit, ça ne se voyait pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il en sait, Brantôme, puisque lui-même n'était pas né à l'époque. Mais enfin, vous savez, on a tendance à lui faire confiance sur ces questions de galanterie. Quand le roi a vu, en tout cas, arriver Anne de Bretagne, il l'a trouvée, nous dit un chroniqueur, tant belle, gracieuse, bénigne d'humeur et bien servie de corps que possible. Évidemment, je vous ai dit, lui, il était moins bien servi. Le contrat de mariage est établi par des notaires tourangeaux. Anne de Bretagne va offrir à la France, alors c'est un peu plus compliqué que ça, il est prévu en tout cas que la succession de Bretagne se ferait dans le cadre de la famille de la maison de France. Donc elle n'apporte pas tout à fait, comme on l'a si souvent dit, la Bretagne dans sa corbeille de mariée, mais enfin, ça aboutira à cet effet-là. Et du reste, l'héritière du duché, qui sera sa fille Claude de France, la fille qu'elle aura avec Louis XII, sera l'épouse de François Ier. Et c'est à la mort de Claude de France, nettement plus tard, bien entendu, en 1526, c'est à la mort, si je ne m'abuse, c'est à la mort de Claude de France que la Bretagne deviendra réellement française. Mais vous voyez que c'est déjà un grand pas dans cette direction, bien entendu. Alors, la question, C'est la question des héritiers, bien entendu. Il faut absolument que cette Anne de Bretagne donne des héritiers, donne un dauphin à la France. Et ça va devenir pour elle un véritable crève-cœur, parce que ce sera beaucoup, beaucoup plus difficile qu'on aurait pu l'imaginer. La duchesse Anne est maintenant reine de France, vous l'avez compris. Elle a profondément déçu dans les pays alémaniques, et notamment en Autriche, bien entendu, où elle est maintenant au nid. Elle n'en reste pas moins duchesse souveraine de Bretagne pour le moment. Elle administre son territoire, tout en étant reine de France. Voilà ce que nous dit Yann Kefelec dans son superbe dictionnaire amoureux de la Bretagne. Son oui au roi français disait non à Judicaël, Nominoé et Rispoé. Son oui bradait les mots de la tribu, l'exception celtique, l'inaliénable origine. Timide ou pas, son oui changeait la face de la nation bretonne en devenir rêverie d'un autre âge, idéal impossible à rafistoler sous la couleur du lys. Adieu, druide, adieu, Corydvène, adieu, Alvion, Dahut, Blanche Hermine, et vous, beau duc, intraitable chevalier d'orgueil. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie d'Anne de Bretagne. Alors Anne de Bretagne vient d'épouser le roi Charles VIII. Les jeunes mariés se retrouvent seuls le soir dans la chambre du roi. Enfin, quand je dis seuls, vous savez que les nuits de noces à l'époque étaient quand même sous contrôle étroit. Et dans la pièce juste à côté, porte ouverte, se trouvent 6 bourgeois rennais qui sont là pour attester qu'Anne est devenue librement l'épouse de son mari. Ce sera chose faite. Ils vont établir un procès-verbal dans des termes incroyablement crus qui nous aujourd'hui nous surprennent. Elle avait fait venir, non seulement je vous ai parlé de sa garde-robe, de ses dames, etc., mais elle a fait venir tout son mobilier également, Anne de Bretagne, avec notamment, venant de Rennes, un lit avec des rideaux, des courtines, un ciel d'or cramoisi doublé de taffetas rouge. Enfin, tout ça, à l'époque, pour la cour de France, paraissait d'un luxe effarant. Et pour elle, le moment n'en est pas moins venu d'en assumer maintenant son titre de reine de France et de donner un héritier. Je vous l'ai dit, c'est ça qu'on attendait. Le couple royal s'est installé au château de Plessis-les-Tours, où était mort Louis XI, où il avait passé toute sa vieillesse. Pour sa chère Anne, car le roi Charles est vraiment en dévotion devant Anne de Bretagne, il va faire construire un cadre un peu plus digne d'abriter leurs amours, qui sera le château d'Amboise. Sur ordre du roi, les planchers sont recouverts de plus de 150 tapis venus de Turquie. Elle aime ça aussi, Anne, hein, c'est ce confort, ces beaux tapis, etc. Elle fait aménager ce qui, pour l'histoire de France, sera très probablement la première salle de bain, au sens propre. Donc vous voyez, tout ça quand même, c'est un véritable, ce que Norbert Elias aurait appelé un procès de civilisation. C'est beaucoup de raffinement qui arrive avec elle. Il faut toujours souligner cet aspect-là. Elle va donc mettre au monde 4 enfants. D'abord 3 fils, le 10 octobre 92, le 8 septembre 1496, en juillet 97, donc 3 fils, et puis une fille, et puis tous meurent en bas âge. On pense même que le roi Charles va mourir avant qu'elle ait pu lui donner un enfant. Effectivement, c'est ce qui finit par arriver. Alors, il est mort jeune et bêtement, Charles VIII. Hein, c'est la mort de Charles, c'est une chose invraisemblable. Il descend pour assister à un match de paume dans les fossés du nouveau château d'Amboise. Il doit passer par une espèce de fossé couvert pour s'y rendre. Et il a oublié que la porte était extrêmement basse. Alors, vous savez, quand on visite les châteaux de la Loire, on vous dit « Ah, les gens étaient petits à l'époque ». C'est pas qu'ils étaient petits, c'est que simplement, pour éviter le froid et les courants d'air, on faisait des portes souvent basses et qu'on se baissait pour y passer, tout simplement. Et là, en l'occurrence, il va se heurter le front, mais violemment contre ce... Alors il est un peu sonné, il assiste quand même au match, et puis il va de plus en plus mal, au point qu'on est obligé de l'aliter, au point que les médecins se pressent à son chevet, et que dans la soirée, il est mort. Donc c'est une mort incroyable, et la question va immédiatement se poser, parce que bien sûr, Anne de Bretagne avait signé un contrat de mariage. Je me permets de vous rappeler qu'au terme de ce contrat de mariage, il était dit que si elle n'avait pas pu donner d'héritier au roi de France, elle était tenue d'épouser son successeur. Et en l'occurrence, le successeur, c'est l'ancien duc d'Orléans, c'est Louis XII. Alors Louis XII ne va pas manquer, il connaît évidemment la clause. À peine a-t-il aspergé d'eau bénite le corps de son cousin défunt, il est devenu donc lui le roi Louis XII, immédiatement il se précipite pour demander pour demander la main d'Anne. C'est un homme assez charmant, Louis d'Orléans, pour tout vous dire. Il a certes des yeux un peu globuleux, le front étroit et il est d'assez petite taille, mais il est plutôt bien tourné, nous disent les gens, et surtout il a cette intelligence vive qui le rend assez plaisant. Alors elle va réfléchir un peu. Anne, la vérité c'est que lui, il est amoureux d'elle depuis très longtemps. Il faut savoir qu'il avait participé à la fameuse guerre folle dont je vous parlais tout à l'heure, mais qu'il y avait participé côté breton. Redevenue duchesse de Bretagne, on peut dire que d'une certaine manière, Anne regrette un peu le pouvoir qu'aurait pu lui donner cette position de reine de France à condition qu'elle donne un héritier. C'est toujours la même question. Alors, elle va finir par accepter d'épouser Louis XII. Problème, c'est que Louis XII n'est pas libre. Il est marié avec, en l'occurrence, la célèbre Jeanne la Boiteuse, la fille de Louis XI, qui est une femme magnifique, hein, passionnante, mais alors un véritable laidron. C'est un mariage qui dure depuis 22 ans. Alors le roi veut absolument se séparer de sa femme pour pouvoir épouser Anne de Bretagne. On réunit une commission d'évêques, tribunal ecclésiastique, qui reçoit le serment de Louis XII, qu'il n'y a jamais eu consommation du mariage, enfin, etc., etc. On va ensuite interroger Jeanne elle-même, la pauvre Jeanne toute difforme. Je ne veux d'autre juge que le roi, monseigneur, dit-elle. S'il affirme par serment que ses imputations sont véritables, alors j'accepte ma condamnation. Et elle sera répudiée en 1498 avec la bénédiction du pape Alexandre Borgia. Et ça va permettre évidemment de marier le roi de France à la duchesse de Bretagne. Louis XII a donc épousé Anne de Bretagne. Alors, il y avait cette grande question de l'héritage, hein, bien entendu. Et ayant épousé la veuve de son devancier, de son prédécesseur, il est évidemment question qu'elle lui donne des enfants. Mais ça va recommencer comme avec Charles VIII. En fait, Anne ne parvient pas à donner d'enfants à son mari. Et il y a dans l'ombre, et pour elle ça doit être terrible, il y a une certaine Louise de Savoie, qui est comtesse douairière d'Angoulême, qui est la mère de l'héritier, du nouvel héritier du trône, François d'Angoulême, et qui espère par-dessus tout qu'évidemment, elle ne donnera pas d'enfant mâle à Louis XII. Et elle finit par en donner un quand même, qui va s'appeler Charles Orlan. Mais il meurt à l'âge de 3 ans. On a l'impression d'une espèce de malédiction. Finalement, seule une petite fille survivra. C'est Claude de France. Claude de France qui épousera plus tard le roi François Ier. Il y a également une Renée de France, une autre petite fille qui deviendra, elle, duchesse de Ferrare. Mais pas d'enfant mâle, pas de garçon, pas d'héritier pour la couronne de France. C'est un véritable crève-cœur pour Anne. Et on peut dire qu'elle elle emportera ça dans la tombe, beaucoup plus tard, hein, en 1514. Mais on peut dire que le fait de n'avoir pas pu assurer cette continuité-là, de n'avoir donc pas rempli son office, aura été la damnation, ou en tout cas la croix, aura été l'épreuve suprême de sa vie. Bonjour Yann Kefelec. Bonjour. Alors vous avez, vous, un regard de breton sur Anne, sur notre duchesse Anne. Mais ce qui est très beau, et vous le dites, hein, vous dites, c'est beau un pays indépendant et je déplore que cette épithète ingénue ait pu s'entacher d'absurdité comme elle l'a fait chez nous. Il me semble évident que Paris a tué la mer en Armor et non moins évident que les élus bretons n'ont rien fait pour l'en empêcher. Ma tendresse envers la duchesse Anne est bien réelle et je ne lui en veux de rien, surtout pas d'avoir dit oui et parjuré pour sauver nos enfants. Avec vous dans un instant, nous allons développer ce point de vue. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire cet après-midi, vous nous parlez, Franck Ferrand, des Bretons et nous, évidemment, avec votre invité Yann Kefelec, écrivain, auteur du Dictionnaire amoureux de la Bretagne aux éditions Plon-Fayard. Alors avec Yann Kefelec, on va revenir sur cette personnalité d'Anne de Bretagne. Un mot simplement sur les toutes dernières années de sa vie. Il y a eu ce moment incroyable en 1505, au printemps 1505, où l'on est convaincu que le roi va mourir. Il est vraiment à l'article de la mort. On lui a d'ailleurs déjà donné l'extrême onction, etc. Il fait venir son héritier François à son chevet. Il veut absolument que François épouse sa fille, Claude, ce qui est un double crève-cœur pour Anne de Bretagne, évidemment, qu'il ne voulait pas que sa fille aînée aille épouser la fille de sa pire ennemie, Louise de Savoie. Mais enfin, c'est ainsi que ça devait se passer. Le roi, pense-t-on, va mourir? Eh bien, pas du tout. Il se remet même très bien. On ne va pas moins fiancer François et Claude. Et puis, le temps passant, c'est finalement Anne qui tombe malade et c'est elle qui mourra la première. Je vous l'ai donc dit, elle meurt le 19 janvier 1514. Ce sera bientôt le cinquième centenaire, le demi-millénaire de sa mort. Je pense qu'il va y avoir pas mal de célébrations en Bretagne à cette occasion. Et le roi, lui survivra. Louis XII va lui survivre. Il épousera même une Anglaise, Marie Tudor, et il n'arrive pas, évidemment, à lui faire d'enfant. C'est devenu vraiment un vieux monsieur, là, mais il est très amoureux de sa nouvelle épouse. Et l'on a longtemps cru que l'Anglaise allait faire un héritier et souffler, en quelque sorte, le trône à François d'Angoulême. Il n'en fera rien, puisque c'est bien le roi François Ier qui montera sur le trône avec la reine Claude. La reine Claude, qui est donc la fille d'Anne de Bretagne, et qui amènera, alors elle, avec elle, dans sa corbeille de mariage, ce duché de Bretagne. Est-ce qu'on peut dire que c'est un état à part entière, Yann Kefelec, que cette Bretagne? On peut dire que ça a été un état à part entière. C'est aujourd'hui, l'histoire on a fait un duché, on a fait une région en effet vassale du royaume de France, mais les Bretons ne l'ont pas vécu comme ça. D'abord, la Bretagne a été plusieurs fois un royaume. On peut dire que c'était des roitelets au départ, mais c'était également les roitelets du côté franc. Et ensuite, on a eu deux authentiques rois reconnus par l'Église, le roi Nominoé et le roi Erispoé, après quoi les Bretons ne se sont jamais considérés comme les vassaux du royaume de France. C'est l'histoire faite par les vainqueurs, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui n'a cessé de vassaliser la Bretagne à travers les âges. Ça n'était pas du tout ainsi que les ducs le vivaient, certainement pas Jean V, qui était au moins aussi riche que le royaume de France, sinon beaucoup plus, et pas non plus François II, qui n'était pas tout de même aussi... Donc le père d'Anne. Le père d'Anne de Bretagne, qui était un duc tout de même extrêmement foufou. Enfin, quand il est arrivé à Nantes, il ne prenait pas ce duché très au sérieux. Au départ, il est arrivé entouré de femmes, avec son épouse, mais également sa vieille maîtresse Marguerite Agnelet. Et en fait, c'est petit à petit qu'il a pris au sérieux son rôle de duc. Il l'a pris extrêmement à cœur, mais il n'était pas un très bon combattant. Il s'est retrouvé réduit à cuillat à la célèbre bataille de Saint-Aubin du Cormier, qui a vu effectivement détruites les armées bretonnes par les armées franques. C'était bien l'une des premières fois que les francs, qui allaient devenir les Français, écraser sur le plan militaire les Bretons, parce que jusque-là nous en avions fait baver aux Carolingiens et aux Capétiens. J'aime bien le nous. Le nous est totalement absurde. Yann Kefelec, dans votre dictionnaire amoureux de la Bretagne, vous consacrez évidemment un très long article à cette duchesse Anne de Bretagne. Et vous, alors je précise d'ailleurs que vous accomplissez un tour de force dans ce dictionnaire qui est de raconter une grande histoire qui ne s'arrête pas, et les titres d'articles, d'entrée, comme on dit dans un dictionnaire, sont mêlés, sont fondus dans le corps même du texte, entre parenthèses, du point de vue littéraire. Quel tour de force. Vous lui consacrez donc à cette Anne un article dans lequel vous dites que vous l'aimez bien, vous l'aimez beaucoup, et que les Bretons, aujourd'hui encore, lui savent gré de ce qu'elle a fait. C'est un paradoxe. Oui. Il y a bien quelques Bretons, si vous voulez, qui sont mauvais coucheurs et qui en veulent à Anne de Bretagne, qui considèrent que si Anne de Bretagne n'était pas passée par là, il n'avait pas pactisé avec Charles VIII, eh bien, peut-être que la Bretagne serait encore un royaume, en tout cas un état indépendant à la manière du Portugal face à la France. Je n'en crois pas un mot. Au moment où la duchesse Anne a pris le parti d'épouser Charles VIII, la Bretagne était dans un état de misère incommensurable. Les monnaies étaient des monnaies battues en cuir. Les gens marchaient pieds nus. Enfin, n'avaient plus absolument plus rien à manger. Et quand la reine Anne, la duchesse Anne, s'est décidée à épouser Charles VIII, eh bien, on a allumé des feux de joie dans toute la Bretagne. C'était pas du tout une forme de reddition, c'était tout simplement que dans ce sauf-qui-peut que manifestaient les Bretons, enfin, eh bien, ils allaient pouvoir refaire surface sur le plan économique. il y a aujourd'hui encore une trace très importante de cette duchesse Anne. Alors, ce n'est pas seulement le nom de beaucoup de salons de thé ou de crêperies, hein, évidemment, la duchesse Anne, il y en a partout dans les villes bretonnes, mais c'est aussi une figure qui reste active. On l'a vu récemment avec les bonnets rouges, dont certains se réclament de la duchesse Anne. Mais il faut dire que ces bonnets rouges, au départ, moi je les aimais beaucoup. D'ailleurs, je continue à aimer les vrais bonnets rouges de ces mouvements. Les bonnets rouges ont rappelé que la duchesse Anne avait obtenu du Royaume de France la gratuité des routes en Bretagne et que cet usage a perduré jusqu'au général de Gaulle qui avait repris donc cette tradition de gratuité. Que pour la première fois, donc, l'État français, a refusé avec cette écotaxe. Donc, ça a été d'abord une manière de prendre la défense de la duchesse Anne, c'est-à-dire ce que notre duchesse nous avait acquis autrefois. De quel droit venez-vous nous l'enlever aujourd'hui? Cinq siècles plus tard. Il va y avoir, bien entendu, je le disais, des célébrations pour le 500e anniversaire de sa mort. Vous allez participer, vous, à cet anniversaire? J'ai bien l'intention, effectivement, de monter sur les scènes pour rappeler, comme vous l'avez très, très brillamment fait tout à l'heure, pour retracer l'histoire de la duchesse Anne, pour dire effectivement que nous lui devons beaucoup à cette duchesse Anne, qu'elle a sauvé la Bretagne à un certain moment, et que si elle n'avait pas épousé Charles VIII, il est possible que les armées bretonnes auraient tout simplement écrasé la Bretagne et l'auraient, alors même pas vassalisé, l'auraient humilié dans des conditions insupportables, sans se poser la question d'un mariage, ni autoriser cette duchesse à avoir tout de même des prétentions et des revendications par rapport à ce duché. Alors, du point de vue des Français, la duchesse Anne, j'ai tenu à souligner cet aspect dans mon petit exposé introductif, c'est que la duchesse Anne est le symbole d'un certain raffinement. C'est la femme qui entre à la cour de France, si je puis dire, et c'est le luxe, et c'est la poésie, etc. Tout ce raffinement qu'elle amenait avec elle de Bretagne, il faut pas l'oublier. Ah, c'est extraordinaire parce que les rois de France à cette époque-là, quelques-uns ne savaient pas lire, et ce Charles VIII était une espèce de personnage absolument inculte. Non, il n'était pas brillant du tout. Contrairement à ces ducs de Bretagne, il suffit de voir un peu l'histoire du château de Nantes, contrairement à ces ducs de Bretagne, qui étaient des gens extrêmement bien élevés, j'ose à peine le dire, mais ils héritaient d'une espèce de raffinement, non pas à la britannique ni à l'anglaise, puisqu'ils ne supportaient pas les Anglais, mais les grands Bretons, qui étaient un peu plus éveillés qu'eux sur le plan culturel à ce moment-là, leur avaient transmis le goût de ces valeurs artistiques, de ces valeurs linguistiques et le sens du savoir. Et un respect particulier de la femme en Bretagne, je crois que c'est important. Mais le matriarcat, ça fait partie du tempérament breton depuis toujours. Il n'y a pas de machisme en Bretagne. Le breton ne s'est jamais posé la question d'ailleurs. Ça s'est toujours vu d'ailleurs dans cette belle relation que les familles ont entretenue. Et encore aujourd'hui, si la Bretagne est la région la plus diplômée de France, s'il y a autant de bacheliers en Bretagne et d'universitaires de haut niveau, c'est parce que la femme tient debout les familles et que l'homme accepte son pouvoir sur la famille. C'est une véritable leçon qu'a donnée la Bretagne au 15e, 16e et même encore jusqu'au 17e siècle à la cour de France. Nous avons évoqué, enfin c'est moi qui ai dit ça rapidement, j'ai parlé des Hermines tout à l'heure, qui est quand même le symbole, l'Hermine, le symbole de cette Bretagne fière de ses traditions. D'où vient ce symbole, Yann Kefelec? Alors je ne sais plus quel noble, quel baron breton, ça se passe vers le 4e siècle après Jésus-Christ, je ne sais plus quel baron breton, un beau jour, sur l'écu, sur son bouclier, a fait apparaître, on dit de manière brisée, c'est-à-dire a fait apparaître les quatre hermines sur ce bouclier. Et ensuite, cette hermine est devenue de manière définitive le symbole de la Bretagne. Et encore aujourd'hui, notre bannière herminée, appelée le Guenadu, donc porte fièrement cette... Parce que le principe, dit-on, c'est que l'hermine préfère mourir lorsqu'elle est face au chasseur plutôt que de salir sa blanche robe et d'aller, si elle est encerclée dans une mare de boue, elle préfère affronter plutôt que se salir. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Totalement, c'est d'ailleurs la devise de la Bretagne depuis cette époque-là, plutôt mourir que se souiller. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Le vent souffle sur la mer, un air que je veux chanter. Marin libre et solitaire, sans toi j'ai le cœur serré. visage que la mer avait griffé. Oh, et comme les dunes de la plage, un jour le dernier départ, un soir la fin du voyage, à bord du grand voilier noir. Oh, et adieu les fous et les sages. Le vent souffle sur la mer, un air qui nous fait pleurer. Marin libre et solitaire, sans toi j'ai peur de rêver. Pierre Bachelet sur Europe 1, un extrait du Voilier Noir, chanson écrite par Yann Kefelec en hommage à Éric Tabarly. Nous parlons des Bretons cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Yann Kefelec, écrivain, auteur du Dictionnaire amoureux de la Bretagne aux éditions Plon Fayard. Avec ce drapeau breton sur la couverture du Dictionnaire amoureux chez Plon. Alors, ce drapeau, il est le drapeau de la nation bretonne, mais il faut peut-être distinguer pour nos auditeurs, Yann Kefelec, c'est important, le nationalisme, l'autonomisme et l'indépendantisme. Ce ne sont pas les mêmes notions du tout, bien sûr. Alors, on peut dire que le nationalisme, c'est une version très accentuée de l'indépendantisme. Et que l'autonomisme, lui, alors franchement, c'est tout simplement le redonner du pouvoir à la région au sein, bien entendu, d'une république qui n'est absolument pas remise en question par la région elle-même. Donc c'est exactement ce que sont en train de réclamer les Bretons actuellement. L'indépendantisme, c'est également un combat d'arrière-garde. Vous voyez, le nombre de combattants a été extrêmement réduit au XXe siècle. Et lorsqu'on entend la presse actuelle, les médias, les nationaux s'émouvoir d'un retour de l'indépendantisme, ça n'est pas très sérieux. En revanche, effectivement, redonner du pouvoir à la région au sein comme ça d'un pouvoir plus autonome, ça me paraît extrêmement intelligent. Quant à cette bannière herminée que nous avons vue brandie par 30 000 manifestants à Quimper lors de la dernière manifestation, je trouve qu'il a du sens, qu'il est très beau. C'est à la fois une revendication identitaire, c'est-à-dire la Bretagne réclame sa spécificité au sein d'une république. C'est un excellent aloi et en plus cela symbolise la bretonnité à travers les âges, c'est-à-dire la bonhomie, la fraternité et la tolérance. Et la révolte tout de même, qui est quand même chevillée au cœur des Bretons, si je puis dire, puisque on a vu, notamment sur un plan fiscal, sous François Ier, sous Henri II, sous Louis XIII, sous Louis XIV, sous Louis XV, enfin, d'une façon générale, les Bretons se sont souvent soulevés contre l'impôt et ils tenaient beaucoup à la souveraineté de leur Parlement de Bretagne, de ce point de vue, pour ce qui est du consentement. On a eu beaucoup de révoltes quand même, la plus célèbre peut-être étant celle de Pontcallec, par exemple. Ah, le marquis de Pontcallec, à la fois effectivement le pouvoir central incarné par Colbert outrepasse ses droits et tente de lever un impôt en Bretagne sur le papier timbré, sur le tabac, sur l'alcool. Ça ne passe pas et les nobles bretons qui se solidarisent avec le peuple, dont le marquis de Pontcallec, voilà, se révolte. Ça lui a coûté la vie au marquis de Pontcallec, mais on peut saluer le courage de cet homme. C'est vrai que le breton, contrairement peut-être au reste des Français, mais encore qu'il y aurait à nuancer, bien entendu, cette position. Il ne se contente pas de râler, le breton. Il y va, voilà. Il se révolte vraiment, voilà. Et ça, je trouve ça extrêmement, extrêmement sain, extrêmement courageux et hardi. Et on voit bien aujourd'hui que ces bonnets rouges qui ont eu raison au début, qui ensuite, effectivement, désespérés, ont commis des actes hautement répréhensibles, on voit bien que ces bonnets rouges ont donné le coup d'envoi, comme d'un esprit d'un esprit de révolte en France, qui a permis aux agriculteurs d'Île-de-France de sortir dans la rue, aux ambulanciers de dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec les taxes qui les accablaient, aux transporteurs de faire la même chose. Ils ont été, pas leaders, ils ont été de bons meneurs, de saints meneurs pour cette ras-le-bol général qui prend la parole aujourd'hui. Et ils n'ont jamais baissé la tête, si je puis dire. Ils ne baisseront jamais la tête, c'est vraiment pas dans le tempérament breton de baisser. Et pourtant, ce sont les meilleurs fils du monde. Ils le montrent bien, puisqu'il va y avoir à Carré le 30 novembre prochain, sur le site des Vieilles Charrues, à nouveau une manifestation de bonnets rouges, mais de bonnets rouges qui veulent montrer qu'on les a dévoyés, qu'on les a détournés, qu'il y a eu de mauvais bonnets rouges qui se sont mêlés à eux. Et tout cela va se dérouler dans un climat de fest-noz et tout le monde est invité à y participer. Avec le bonnet rouge, j'allais dire on est loin de la coiffe bigouden, mais peut-être pas si loin que ça finalement. Puisque... C'est une coiffe en tout cas qui fera date et j'espère qu'elle fera date de la manière la plus agréable. Parce que c'est coiffe très haute que portent les Bretonnes et qui maintenant est devenue une sorte d'un symbole, d'emblème de la Bretagne et née de cette fierté justement. Cette coiffe bigouden n'est pas née par hasard, ni pour repousser les assauts du vent. Elle est née parce que les gardes suisses, furieux de la révolte des Bretons contre les gens du fisc, les gardes suisses ont décapité à la hache les Bretons devant leurs épouses et leurs enfants. Et les Bretonnes, à ce moment-là, ont eu des coiffes de plus en plus hautes en signe de révolte, ce qui voulait dire « Vous pouvez raccourcir nos maris, vous pouvez nous humilier, nous avilir, nos coiffes ne cesseront de monter plus haut vers le ciel, plus haut que tous les rois de France ». Alors il faudrait parler de toute l'histoire de la Bretagne, et ce depuis la plus haute antiquité. Moi j'ai une passion pour tout ce qui est le mégalithisme, évidemment pour l'îlot de Gavrinis, pour tout ça, enfin c'est tout à fait extraordinaire. Il faudrait parler de la Bretagne antique, etc., de toute l'histoire, de toutes les légendes de Bretagne. On a fait déjà un certain nombre d'émissions d'ailleurs à ce micro sur les contes et légendes de Bretagne, sur la forêt de Brocéliande, etc. Il y a quelque chose de gaélique, il y a quelque chose de breton au sens anglais du terme dans cette culture, bien entendu. Et je trouve que lorsqu'on va en Bretagne, et c'est sans doute une des plus belles régions et des plus prenantes de France, lorsqu'on s'y promène, on voit cette identité partout présente, beaucoup plus qu'ailleurs d'ailleurs. La Bretagne ne s'est pas confondue avec le reste. Est-ce que c'est ce côté britannique en quelque sorte qui l'a préservé de la francité ? Britannique, je préfère dire tout simplement breton. Il y a un mot qui n'avait pas été dit et qui exprime parfaitement la Bretagne, une dimension arthurienne des choses. En Bretagne, cette dimension arthurienne, c'est une autre façon de nommer le mystère de la Bretagne. Et la Bretagne ne veut pas et n'a aucune envie de renoncer à sa dimension mystérieuse qui fait qu'elle maintient justement le sens du folklore dans sa vie quotidienne. Le folklore qui n'est absolument pas folklorique ni touristique, qui est tout simplement la science des us et coutumes de la tribu. Ça, elle y tient, elle est toujours entre deux âges, c'est-à-dire entre sa mémoire, représentée par ses coutumes, et entre un futur, où elle est extrêmement brillante, parce que c'est quand même une région, il y a le visage des bonnets rouges, et on les salue, on les respecte et on les soutient, mais la Bretagne, c'est aussi une des régions les plus modernes de l'Hexagone, c'est aussi là qu'il y a beaucoup de technologies, en cancérologie, ils sont extrêmement forts, en immunologie, ils sont également parmi les plus brillants d'Europe. Pour toutes les énergies durables, ils sont pionniers. C'est-à-dire que la Bretagne n'est pas du tout à l'agonie comme les médias nationaux n'ont cessé de le clamer ces derniers temps. Une pierre dans leur jardin. Le folklore de cette Bretagne, il y a une insularité très grande, enfin en tout cas une péninsularité, comment dire. Bon, moi j'aime beaucoup le terme d'insularité. Oui. Péninsularité, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est vrai que c'est comme une espèce d'île, même au sens historique, qui par le truchement, par l'intermédiaire de la duchesse Anne, c'est relié au continent, c'est rattaché au continent d'une certaine manière. Ce folklore est encore très présent et ça n'est pas seulement un folklore d'opérette, c'est pas seulement pour amuser les touristes et faire des belles cartes postales, ça fait partie de la vie quotidienne des gens. Ah aussi. Mais le nombre, on l'ignore, mais le nombre de sonneurs, le nombre de formations musicales en Bretagne, mais ce sont des milliers de personnes que ces fest-noz rassemblent chaque semaine. Et ce ne sont pas des amateurs qui viennent gigoter sur la lande comme ça à moitié bourrés. Ce sont de grands techniciens de la musique qui appliquent des techniques comme ça qu'ils ne cessent de moderniser tout en conservant le sens des rythmes anciens à l'initiative d'un homme dont on ne parle plus assez aujourd'hui qui est un extraordinaire musicien breton, Alan Stivell, qui est le père de cette modernité. Oui, on peut dire que cette modernité qui n'a rien cédé de sa singularité fait le charme, évidemment, de cette Bretagne. Quand j'étais à l'école, on nous faisait lire les ouvrages de Pierre Jacques Elias et Le Cheval d'Orgueil, notamment, ce extraordinaire ouvrage. Il a été un peu le chantre de la Bretagne avant que vous ne le soyez à votre tour. Pierre Jacques Elias, que j'ai bien connu, m'a dit de telles choses sur la Bretagne qu'effectivement j'ai souhaité lui emboîter le pas. Il m'a rappelé notamment qu'on ne peut pas se permettre de confisquer la langue maternelle d'une civilisation sans manquer à tous les droits de l'homme. Donc il est tout de même extraordinaire de penser qu'à la Révolution, eh bien, voilà, la langue bretonne a cessé d'être parlée, d'être enseignée, que l'on a humilié donc les enseignants et les élèves qui se permettaient justement de ne pas tenir compte de ce règlement, et que jusque dans les années 50, on en a souffert. Oui, et actuellement encore, d'une certaine manière, on peut dire que... Si, moi j'en souffre, moi j'aurais voulu parler breton, et je suis un peu jaloux de Pierre-Jacques Azélias, qui lui a commencé par écrire son Cheval d'Orgueil, qui est un chef-d'œuvre, hein, sur près de 1000 pages, comme ça, de la première syllabe à la dernière, tout ça est à apprendre par cœur. Son Cheval d'Orgueil, il a commencé par l'écrire en breton, pour bien montrer que le breton, c'était pas un patois simplement, c'était pas un patois pour les paysans et pour des gens qui n'y connaissaient rien, c'était aussi une langue parfaitement construite, extrêmement précise sur le plan de la syntaxe, et qui se prêtait donc à l'écriture d'un grand livre. Alors, qui dit Bretagne dit côte, évidemment, avec d'extraordinaires côtes bretonnes sur lesquelles on va revenir, on va parler de la mer dans un instant, mais c'est aussi, et peut-être d'abord, un terroir. On a oublié d'une certaine manière, lorsqu'on voit ça de Paris ou d'ailleurs, on a oublié à quel point la Bretagne est une région de campagne, de terre. Quand on se promène dans les monts d'Arrée, j'ai envie de dire, on est loin de la mer. Ah, on n'est jamais loin de la mer. Enfin, on est loin de la mer dans son esprit. Ça, c'est par goût du paradoxe que je dis ça. Mais bien entendu, c'est une région de campagne. Et même les marins bretons, ils aiment bien quand on les appelle des pigouillés, c'est-à-dire des paysans océaniques. C'est une région qui est à la fois dans la mer et qui est à la fois en même temps extrêmement terrienne, terraquée, c'est-à-dire mêlée de terre et d'eau. Mais pourquoi j'ai tendance à dire qu'on n'est jamais loin de la mer? C'est que la Bretagne est sillonnée par d'immenses rivières qui font des centaines de kilomètres de long et qui porte la marée très très loin à l'intérieur des côtes, ce qui fait que nous avons ces merveilles de moutons de prés salés qui sont absolument délicieux, qui sont des moutons de la campagne et en même temps qui ont les pattes mouillées par la marée montante, ou que l'on voit des vaches en plein champ qui brusquement ont de l'eau qui leur arrive à mi-patte, c'est la marée qui est montée par en dessous, et tout cela donc fait partie mer qui par les abers entre littéralement Les abers, tous ces abers, ces petits estuaires de Bretagne, hein, et toutes ces rivières qui ensuite se divisent à l'intérieur des campagnes. Les étangs d'eau saumâtre aussi, qui sont souvent des réserves d'oiseaux extraordinaires. C'est une pure merveille, ouais. Ces élornes, et les lornes en particulier, l'une des grandes rivières brestoises qui doit remonter sur 100 km de long. Tout cela fait de cette région une région amphibie, à la fois mouillée et sèche, et mouillée aussi par le ciel. Quant au large océanique, écrivez-vous XXL, gare à lui, exaltation, plénitude hallucinante endurée jour et nuit, réparation de quelques fêlures dont le fin mot nous manquera toujours. Il est banal d'affirmer que l'on a d'autres rendez-vous là-bas qu'avec soi-même, ultime ego. On y va pour se changer les idées qui changent à peine montées sur le bateau, changement proportionnel à celui du temps. Le bateau, ça vous connaît évidemment, et les marins aussi, et ça c'est partie intégrante aussi de la culture bretonne. Oh mais un breton, il a toujours plus ou moins le pont d'un bateau sous les pieds, même lorsqu'il est paysan, même à son insu, il a envie de prendre la mer. Et autrefois, les paysans étaient à terre pendant tous les mauvais jours, et lorsque le printemps revenait, eh bien ils retournaient leur barque et ils partaient sur les îles, et ils se faisaient très naturellement marins et grands marins. Parce que rien n'est plus difficile que de naviguer en Bretagne, à cause des courants, à cause des brumes, à cause des cailloux. Donc c'est un fin navigateur, le breton. Dictionnaire amoureux de la Bretagne de Yann Kefelec. J'insiste sur le déterminant, parce qu'on aurait pu dire des Bretagnes, car il y a aussi plusieurs Bretagnes dans une seule. Si je puis dire, on n'aura pas le temps d'entrer dans ces différences de paysages, de cultures, de traditions, etc. Mais c'est un pays multiple en même temps. Et moi-même, d'ailleurs, vous avez dit de la Bretagne. Moi, j'aurais dû écrire de ma Bretagne. Et voilà. Parce qu'il y a des centaines de Bretagnes qu'hélas, je ne connais pas et que je rêve de connaître. Mais ça, c'est le principe des dictionnaires amoureux. Donc, dictionnaire amoureux de Ma Bretagne de Yann Kefelec, c'est aux éditions Plomb. Merci beaucoup, Yann Kefelec. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est Sylvain qui nous envoie un mail sur europe1.fr. Il nous explique que son arrière-grand-père Camille Guérin a inventé avec Albert Calmette le vaccin BCG. L'occasion pour vous, Franck Ferrand, de nous en expliquer les origines. Oui, moi j'ai fait un court passage au lycée Camille Guérin à Poitiers, que je salue du reste. Et donc c'est un sujet qui évidemment me touche tout de suite. Pour fabriquer un vaccin contre la tuberculose, vous imaginez ce que pouvaient être les ravages de la tuberculose pendant tant de siècles. Et il a fallu extraire le bacille, c'est-à-dire la bactérie qui en est la cause. Cette découverte, on la doit donc au médecin et microbiologiste allemand Robert Koch, hein, ça, on le sait, en 1882. Au départ, d'ailleurs, c'était des travaux de recherche vétérinaire. Et c'est grâce à cette découverte que le médecin Albert Calmette, et le vétérinaire Camille Guérin vont inventer ce BCG, ce vaccin BCG. Alors BCG pour bilier de Calmette Guérin, inoculé pour la première fois le 18 juillet 1921. Au passage, il faut mentionner que Albert Calmette est né il y a 150 ans cette année. Alors le premier patient, c'était un nouveau-né dont la mère était morte de la tuberculose peu après sa naissance. Il a été vacciné ce 18 juillet 21 à l'hôpital de la Charité à Paris. Et puis la vaccination va se développer en France et aussi, et peut-être même surtout, dans les colonies. La France va avoir un rôle d'ailleurs là très important. On va développer partout. Notamment, il y a une conférence à la Société des Nations qui déclare que le BCG est efficace et qu'il est inoffensif. Faut pas oublier les grandes réserves qu'on peut avoir alors. Et en juin 1948, le premier congrès international du BCG est organisé par l'Institut Pasteur et l'on reconnaît à l'époque l'efficacité relative du vaccin qui réduit de 80% le risque de tuberculose grave, un taux qui descend à 50% quand le vaccin est administré à un adulte. Il n'empêche que la bactérie peut quand même se transmettre, hein, ça n'empêche pas l'infection. Aujourd'hui, face à toutes les incertitudes qui ont pu planer, on peut dire que la vaccination n'est pas systématique dans un certain nombre de pays occidentaux. Je ne vais pas entrer moi dans la polémique sur le vaccin et sur le BCG, mais on sait qu'on préfère cibler généralement des populations à risque. La tuberculose est presque partie, mais elle est toujours là, malheureusement. Bonjour Elena Mornam. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à vos poubelles avec les experts Europe 1. Vous triez ou pas? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Quels sont les gestes simples du recyclage? Les réponses des experts, vos questions comme chaque jour au 39 21 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr Franck. Merci beaucoup Elena. Je vous retrouve ce soir sur France 3 à 20h45 pour un numéro de l'ombre d'un doute consacré à Fontainebleau. Chouette. Vous allez voir qu'on va vous faire des révélations sur Fontainebleau, maison fabuleuse. Et puis ici même, à ce micro, demain avec vous Céline. Avec grand plaisir Franck, à demain.